Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux ETR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Le retour des quiz radiophoniques avec Jasmine Raymond-Réville. Et on reçoit Anne-Julie Durocher qui nous parle de logure. On parle aussi de prévention suicide dans cette édition d'Assemblage requis et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 8 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Et on a donc une bonne émission pour vous, une excellente émission, je dirais. Une émission bien remplie ce matin, encore une fois. Ah, on en tartine là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sais, quand tu tartines ton pain, là, les coins, là, quand t'en remets par-dessus, c'est... Il n'y a plus de place où tu peux la prendre. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, tu mets ses croûtes sur le côté des croûtes. C'est bon. C'est bon, les croûtes au bord de l'épinette, c'est bon. Ah ouais? Ah ouais. Oh ouais. Ah ouais. Bon. Oh ouais. Donc, aujourd'hui, à notre émission, qu'est-ce qu'on a à 7h30? Jasmine Raymond-Drainville sera avec nous pour sa chronique linguistique. Et aujourd'hui, ben, comme elle aime le faire une fois de temps en temps, et c'est un peu trop rare à mon avis, mais elle nous fait un quiz radio. Ah ouais, on parle de quoi? Je sais pas. Elle t'a pas envoyé les questions. Non. pas encore, non. Elle a encore 30 minutes pour le faire. Pour le faire. Ensuite, à 8h, on aura Anne-Julie Durocher, sa chronique sur la GEQTR. Elle va nous parler d'un paquet de choses qui s'en viennent. J'en mentionnerai même pas tellement il y en a. Là. Tu sais qu'on revient sur l'Assemblée générale. Oui, qui se déroule aujourd'hui. Tout à fait. Donc, ça va être fort chargé pour elle, je pense. Ouais. Aujourd'hui. C'est à 8h, donc, qu'on va en parler. Sinon, à 8h30, François. Oui, exactement. On parle de suicide pour la semaine de prévention suicide. Donc, ça va être fort intéressant. Merveilleux. Il y aura aussi la chronique C'est un fait et la chronique Geek CNX. Mais on débute avec nos amis des Delaware Chuck. Voici leur nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est Rum and Coke. Sur C'est fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Je suis ton nom, c'est impossible que je joue.

Eh hey boy, s'il te plaît. C'est fou pour l'écouter. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu Plante. François, Olivier, Marchand. Every day your voice my soundtrack as I lay my eyes upon a fiction that I wrote. Well, it's a fraction of a fiction. Sheets of paper. About what I feel, but what if it's not real? The walls are thin, I hear everything you do. It makes me wonder why I pay attention. It's a question of attraction. Sheets of paper fill my empty room. Stories about you. The Sound of Sea Animals. François, t'as choisi une pièce qui finit sec un petit peu, je trouve, là. Qui, quoi? Elle finissait sec, ta pièce. OK, mais je sais pas, en fait, il était comme très de bonheur. C'était The Sound of Sea Animals avec Fraction of Fictions. Et ça, t'as entendu ça ce matin? 5h18 ce matin. 5h18, c'était très je bon. J'ai joué à la radio et puis j'étais un peu endormi, donc... Ben, François est un homme qui aime les risques, là. Ça lui dérange pas de se réveiller assez fou, ça pourrait des fois ça pourrait être non mais c'est cool parce que à 5 heures c'est quand même anglophone ouais, ouais c'est ça exactement et des belles surprises anglophone. Ouais non mais quand même anglophone j'aime ça hein si hein non mais je trouvais comme... ça drôle ta formulation non mais le style de musique là t'es ouais. Anglophone oh non mais je sais oui oui je parle anglais l'anglais hein how do you say how do you do 5 o'clock. C'est In the morning? In the morning. OK. Je suis toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante à Assemblage requis. Maintenant, c'est la chronique linguistique de Jasmine Raymond-Dréville. Chronique linguistique à Jasmine. Jasmine, elle parle de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. J'ai une tambourine. Ouh, moi j'ai la flûte! Bon! Ok, puis Anne-Julie va avoir un. Je vais à mettre mes écouteurs, je vais y arriver. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un quiz, hein, parce que tu nous as donné nos instruments de musique qui vont servir de buzzer. Ok, mais là, on va essayer d'être un. Il ne faudrait pas que ça vire en catastrophe comme la dernière fois. Oui, parce que tu avais une flûte avec. Là, on entend Mathieu. Mathieu a une flûte. Mathieu va avoir l'herpès buccal après. Ouais. Bon. Toi, t'as quoi? Tambourine. À 1,25 au dollar. T'en plein ça. Angélie. Oh. T'en as deux, je veux que les deux. C'est trop compliqué, là. Il y en avait quand même de bonheur, là. Manipuler deux baguettes en même temps, en tout cas. Ouais. Bon, hein? C'est, non, en le disant, je me suis dit que c'était louche. Deux bâtons, mettons. Ben, j'ai pas pensé avant de le dire. OK. Je suis comme ça, spontané de même. Oui, t'es de même, c'est pour ça qu'on t'aime. Bon, hey, oui, quiz! Quiz! Je voulais le faire la semaine dernière, puis finalement, j'avais tellement préparé mes participes passés que j'ai voulu en faire profiter la terre entière. On est tous très reconnaissants. Oui. Mais quoi? Je n'en. Je me rappelle pas c'est quoi. Parfait. J'essaie de placer mon micro. Y'a-t-il des S quelque part là-dedans? C'est pas long. OK, bon. OK. Je vais tasser mon ordinateur. Premièrement, c'est un quiz sur quoi qu'on fait aujourd'hui. Renverse pas mon café. Ben, aujourd'hui. Non, ma tasse est un petit dégât. Je suis malade. T'es pas obligé de le prouver en versant sur ton ordinateur. OK, bon. Donc, on va enrichir votre vocabulaire. Ah, ouais. Wow. Fantastique. Vous en rêviez tous et toutes. Anne-Julie est vraiment sceptique, ouais. Sa face. On dirait que c'est pas son matin. Là. Je sais pas. J'ai pas eu le temps de me lever, on dirait. Ah. L'oreiller de tempête en face. Bon. Oui, donc j'enrichis votre vocabulaire en. Hein? Vous en rappelez pas, je vous en avais parlé. Avec les cris d'animaux? Avec les noms d'animaux. Les noms des cris d'animaux. Les noms des cris d'animaux. Mais tu sais, mettons un chat, ça miaule, un chien, ça jappe, mais nos connaissances se limitent pas mal à ces deux animaux-là. Non, non, tu vas voir, moi j'ai plein de connaissances. Ah ouais? Oh, oui. Je vais tasser mon ordi. Non? Hein? Hey, t'as-tu des choix de réponse? Ou? Non. Non? Ok. Je peux vous donner la première lettre, là. Ok. C'est ça. Est-ce qu'on note les points pour vrai? Ben oui, aujourd'hui, ben, je vais les noter. Non. Parce qu'on les note jamais habituellement. Quand on veut pas te voir sur l'ordinateur. Puis il va aller sur Google, c'est sûr. Éteins son écran. J'ai le contrôle de ça, moi, je te power off. Ah ouais? Vas-y. Bon, je vais me faire une belle petite feuille, Mathieu. Bon, elle fait la feuille live comme ça. Ouais, c'est ça. Écoute, on pourrait commencer. Puis, ok, go. Non, mais faites. J'ai écrit trois noms. Ok, go. C'était long. Bon, okay, donc, quand vous croyez connaître la réponse ou avoir une réponse drôle à nous donner qui n'a pas rapport, vous faites aller votre buzzer. Moi, je rappelle encore une fois que contrairement aux deux autres qui peuvent le faire à côté et parler en même temps, moi, je dois me reculer pour faire jouer la flûte. Recouler. Recouler, ça, c'est un juste... cri d'oiseau? Oui. C'est oiseau. Une poule. Oui. Une poule. Ouais. Ah, ben première question, qui est-ce qui roucoule? Un oiseau. Ben, le buzzer, quelque chose. Un point. Un oiseau. Je pense que j'ai entendu la flûte en premier. Ah non, il l'a même pas fait, ça fait. On entend. Bon. Vas-y, c'est quoi? Ça. Un oiseau? Plus précis que ça. Non, t'as pas le droit, là? Plus... Non. Je sais pas. C'est une sorte d'oiseau. C'est une colombe. Une colombe roucoule. Une colombe est partie. En voyage. En voyage. OK, question numéro 2. Quel est le cri du... Ben, en fait, qu'est-ce que fait le cheval? Ça commence par un H. Ah. Mon corps, ça fait. Eul! Pas bête, quand même. Essayé, hein? Non. Puis, Deuxième lettre. C'est un E. Ben, Eul! Puis. Il hennit. Hennit? Oh. J'aurais dit N, mais hennit, je l'aurais jamais eu. Il hennit. Tout de suite, on va en trouver un autre. Que fait un âne? Andrew? Annie? C'est pas juste elle a Anne dans son nom. Elle devrait le savoir. Ben non, c'est pas Angie. Ça. Hein? La première lettre, c'est un B. Hey, ça, t'as peur, ça bré. Hey, c'est ça! Hey, bravo! Merci. Hey, c'est 1 à 0, 0. Hey, non, mais j'avais pas actionné ma tambourine. Ah, donc pas ça compte pas. Ta tambourine. Parfait. Donc, ensuite, que fait un corbeau? Un A! Oui! Croate? Oui! Non! Non! Oh. Presque! Oh! Croasse? Oui! T'en plaisais! Non, pas pour vrai! Mais oui! C'est pas un crapaud, ça? Non! Croasse! Non! Ouais. Que fait la grenouille? Ça ressemble pas mal. Indice, là? Croate! Non, il y a un T là-dedans, là. Ça ressemble vraiment beaucoup. Il y y a une lettre en moins. Un crapaud. Que croasse. Une lettre. Mettons que je vous dis qu'on enlève le R. Ça croasse. Oui. Ah, sinon, il y avait d'autres lettres à enlever puis ça donnait pas des mots disant. C'est vraiment, ouais. La grenouille croasse. Un coq. Ça. Non, mais là, utilisez vos buzzers, s'il vous plaît. Je les ai pas traînés pour rien. Un coq. Ça cocorico, là. Ça cornflakes. Je les laisse gagner en passant, là. J'avais dit que j'étais bonne. Bon, ça change. Ça change. Ouais, c'est ça. Oh, c'est plat, ça, là. Donc, 3-1-0. Angie, était du retard quand même. C'était une attrape ou encore, comme dire un crapaud, c'était une crosse. Non, attends, c'était pas ça. Angie, il y a toujours un petit peu. Ok, mon préféré. Oui. Que fait un dindon? Ça. Ah, j'aime tellement ça. J'aimerais ça être un dindon juste pour pouvoir dire que je fais ça quand je crie. Un indice. Ça commence par un G. Ça glougloute. Glougloute, c'est ça, hein, glougloute. C'est ça? Il est déjà en train de tricher, lui, là. J'ai pas triché, je check. Même pas, c'est ça le pays. Je dis vraiment du. Non, mais hey, je viens de se marier. C'est comme la. C'est comme la campagne. C'est votre problème? Non, mais c'est la campagne. Je connaissais des amis qui ont des femmes. Donc, c'est quoi? Ça glougloute. François-Olivier? Glougloute. Glougloute. G-L-O-U-T-E. C'est bien. Glouglou. Mais c'est vraiment ça. Je suis fort. Bon. Un biscuit goglu, ça gougloute aussi, je pense. Ah ouais. Ça gougloute. Ça gougloute bon. Bon. Un bœuf. Ça. Allez, vos buzzers. Ta tambourine, faites-le. Non, mais je pense tout. J'ai pas de réponse. Je voulais juste aller faire aller mon buzzer. Non, attends pas, c'est. C'est quoi l'animal déjà? Un bœuf. Ça. Qu'est-ce qui bègue? Moi aussi, c'est ça que j'avais en tête. C'est presque ça. Burn. Ouais. Ah. Mais qu'est-ce qui bègue? C'est quelqu'un qui bégaye? Je dirais, là. Non, c'est un bègue. Non, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose. Bègue, lui. T'approches. C'est bon. Non? OK. Hey, avec... Je suis vraiment déconcentrée par le fond. On dirait qu'on va, tu sais... Ben non, mais c'est pas grave. On s'en va. Ben là, tu me dis ça, je te l'enlève. Mais non, mais... 5-1... Je suis sûr que. Moi, je trouve ça un petit peu plate. Mais non, mais vas-y, mais est-ce qu'on peut le baisser un petit peu? Oui. Merci. On n'entendra pas bien, mais. Ok, non, mais. 5 à 1 pour François-Olivier. Je pense que c'est important. 5 à 1 à 0. Ah. C'est pas moi qui ai 0. Non, c'est pas toi. Je suis vraiment comme étonnée que t'aies pas triché et que t'aies vraiment 5 points. Ok. Un petit fermier. Ouais. J'en avais un vraiment cool. Où est-il? Que fait un moineau? Silence. Ça sifflote. Non. Comment ça fait qu'il n'y a rien qui me vient aujourd'hui? C'est un P. Un P? Bon, ça me dit rien. P, E, accent aigu. P. P. Ça fait jeune. P, jeune. Je sais pas. P, E, accent aigu, P. Je donne plus d'autres indices. Pépin? Ça pépite. Presque. Ça pépite. Non. Pit-pit. Pit-tip. Pipi. Ça fait pépi. Non. Ça fait. Ouais. Pipi. Je sais pas. Pipi. Un crocodile. Ça fait un bruit. Ça pleure des larmes de crocodile, ça, je sais. Ouais. Vous savez quel bruit, Jasmine? J'aimerais que tu me fasses le bruit. Ouais, ça peut être m'aider. C'est vrai. Ça pourrait être pas pire, ça. Ah, en plus, je vous avais dit, il y a deux semaines, quand je vous avais présenté l'idée de mon quiz, que vous alliez devoir imiter le cri de l'animal pour pouvoir avoir vos points. Boy, ouais, mais un crocodile, c'est assez dur à imiter. Ouais, on n'a pas eu crocodile, ça fait rare. C'est pour ça la chanson. C'est un crocodile qui chante ça, je pense. Oui, ça me plaît ça. Ah, ça, c'est la dégueulasse. Mais ça se lamente. Ça se lamente. C'est ce qu'on me dit. En plus, j'en ai vérifié beaucoup. J'étais très sceptique, là. J'ai vérifié dans le dictionnaire. Pas mal des mots là-dessus, puis. Oui. Mais ça veut dire que ça avait, dans le fond, pas vraiment de bruit, là. Ça n'a pas vraiment un cri distinct. Non, c'est ça. Ok, c'est pour ça que je l'ai pas eu. En fait, t'en as eu aucun. C'est pour ça que t'en as eu aucun. Non. Ah, c'est moi qui en ai eu un. Est-ce que je vous avais demandé le lapin? Non. Le lapin, ça. Ça copule. Entre autres. Le lapin. Ah, j'ai une petite faiblesse ici. La semaine indice? Ça commence par un C. C'est elle. Clapine. Oh, clapette. Clapette. Clapette. Clapi. Oui, Angie, oh. Oui. Ah, boy. C'est vraiment bonne. On va te le laisser. Merci. Aucune triche. Ensuite, une chouette. Ça roucoule, non. Ça, c'est la colombe. Ouais, c'est chouette, ça. Il y a plusieurs oiseaux qui roucoulent, par exemple. La tourterelle aussi roucoule. Ah, oui. Une tourterelle triste. Chouette. Chouette. Hey, ça... Ça va, attends. Ça, c'est sûr que vous le savez. Ulule. Non, Mathieu. Merci pour ça. Ulule. C'est ça, pis pas moi. Hey, c'est moi qui ai dit Ulule en premier. T'as dit Ulule, mais c'est Ulule. Ouais. Ah, j'étais pas loin. Manqué des lettres. Ouais. On en prend-tu combien il me reste de temps là, pour. Mettons encore trois. Est-ce qu'on a l'air d'une émission où il y a vraiment des limites? Ouais, mais... On est en train de faire un quiz sur les noms des animaux. On va en prendre trois. J'enrichis votre vocabulaire. Oui, c'est oui, super intéressant. Des mots. Mais non, mais pour vrai, j'aime ça prendre des mots. Ok, un mouton. Ça bègle. Bail. Oui! Ah, wow! Il y en a eu un sans tricher. François est vraiment comme le gars des passes, là, comme au sport, là, référence sportive. Celui qu'on, tu sais, on le retient jamais, là, parce que c'est pas le meilleur, mais quel esprit d'équipe! Je mène encore. Quel esprit d'équipe! À date, je suis le meilleur. Je vais bientôt te rattraper. Un lion! Ça rugit, oui! Encore une passe, wow! Merci, je vais commencer à penser. C'est malade. Ouais, c'est ça, on est dans la même équipe, c'est correct. Bon. Selon qui, on est dans la même équipe. T'as remplacé Myriam, t'es rendu dans son équipe. C'est ça. Ça vient avec, désolé. C'est ça. Je suis vraiment triste. Une chèvre. Ça. C'est une petite poigne. Go, François-Louis. Attends, tu vas penser. Tu vois, t'as pas une chèvre, ça. Fait quel bruit une chèvre, Jasmine? Ça va m'aider. Non. Mais allez, je sais pas, là, sûrement le même truc qu'un mouton. Ça bide. Donc le même, même mot? Aïe, j'étais encore sûr qu'il trichait. Eh non, je triche pas. Ouais, bide. Ça bide. Comme le mouton. Mais. Comme le mouton, c'était ça la poigne. Bon, t'as essayé de nous avoir. Devrait-ce que tu utilises ta tambourine, par exemple? Je trouve que tu triches un peu à cause de ça. Ok. Non, mais inquiète. Une. Ouais. Corneille? Ça bide. Bide aux corneilles. Bide. Non, ça croit. Quoi? Vas-y donc, moi. M'entends pas en après. Croix? Non, une corneille. Qu'est-ce que ça fait une corneille, Angélie? Hein? Ça leur ferait pas deux fois. C'était... Encore? Non. Ça va aider les autres. Si j'ai la bonne réponse, je vais la refaire. Donc, Jasmine, quelle est la bonne réponse? Hey, attends. J'attends une réponse. Ouais. Je me tente, ok? Tu reprendras à la limite sur la palette, là. Ça. Craille. Ouais, c'est ça. Ouais. Wow. C'est vraiment impressionnant. Mais il y a vraiment. C'est sûr, là, il y a un écouteur dans l'oreille, quelque chose. mon téléphone. En fait, c'est moi, je dis rien depuis le début, je vais juste lui donner une réponse. Ah non. Puis à moi. Excuse-moi. T'es pas dans son équipe. Ouais, c'est Jasmine, mon équipe. Ben, je pensais que c'était dans ton équipe. Pourquoi qu'il te donne mes réponses? Il m'a aidé. Ouais, okay. Je suis pas bien, tu l'as vu, hein. Tu t'es pas levé non plus. Vous êtes tous mêlés, donc suivez-moi avec un autre nom d'animaux. D'animal, c'était la barouette, hein? Hey, connais-tu un nom d'animaux? Un nom d'animaux. Un chameau. C'est l'avant-dernier. Ça. Ça chamaille. Mais ça fait quel bruit, un chameau? Ça, avec les dents, là. Et conne. Non, mais ça ressemble à ça? Non? Non? Ça te crache dans la face aussi. Ouais. Non, ça c'est le lama. Aïe. Le lama. Si vous lui voyez l'expression faciale quand il fait ça, c'est. Peut-être pas, absolument c'est peut-être pas parfait. Pas du tout. Un chameau, c'est pas. Moi, je voulais jouer là, à un moment donné, c'est parce que. Ça chamaille. Ça commence par B-L-A. Bla. Ça blabla. Ça blatère. Ça blatère. Oui. Tu pourrais me donner le point, merci. Non, ça me tente pas. Hey, équipe! Coéquipière, j'ai vraiment une coéquipière de. Quoi? Je te l'avais dit que je voulais pas être en équipe avec toi. C'est ça, écoute, je vois ça. Là. Bon. C'est correct. Un pigeon. Ok, dernier. Un pigeon. Un pigeon, ça fait quoi un pigeon, non? Puis. Ça. Non, je le dirais pas. ça brou. Non? Pigel. Ça pigel. Dri. B. Broucoule. Oui! Broucoule ou broucoule ou broucoule. Broucoule. Comme pas mal tous les oiseaux, je dirais. Je suis vraiment bonne. Bon. Okay. J'avais dit. Score final. Mathieu est pouette-pouette. Ben oui. Hein. Mais sérieux, je me trouve tellement niaiseux en ce moment, je n'en connaissais aucun, même après avoir donné la réponse. Bon. Sérieux, c'est moyen, Matt. Ouais, très moyen. Bon, en tout cas, pour une fois que François est bon, hein, il gagne. Merci. 7. 7, wow. 4, Julie, quelle remontée. Je suis pas tant loin en arrière, je trouve. Et Mathieu, un lamentable 2. Deux quand même, hein? Quand même, c'est plus ce que je pensais. Voilà. C'est pas tant loin en arrière. Donc, bravo aux gagnants. On peut tout faire aller un coup notre buzzer là, pour. Yeah! Youpi! Merci. On dirait le début de ma chronique. Oui, hein? Tous ces sons-là. T'en as les mêmes instruments? Hein? Oui. J'ai pas eu d'en racheter d'autres, là. Quand c'est même. Pas comme si je m'en servais chez moi. Le budget ici, hein? Est-ce que tu trichais pour vrai? Tu trichais depuis le début? Ouais, je trichais pas vraiment, là. Je m'aidais. Bon, éliminé, donc. Il est vraiment rapide, là, parce que je le voyais pas. Oui, c'est fort. Bon, ben, t'es vraiment éliminé. Vraiment éliminé. Donc, gagnante, Angélie! Yeah! Hey, Je trouve ça plate. Vous étiez en train de me trouver intelligent. Mais je tiens à dire que j'avais dit que je gagnerais au début. Mais tu sais, ça, c'est un travail d'équipe. Je te faisais des pauses. Puis... Mais si on ajoute les points ensemble, ça fait 4 moins 7 parce que François Trichet fait que moins tu 3, enlèves. Moins 3, donc Mathieu gagne. Bravo! Excellent! Donc la semaine prochaine, je sais vraiment pas encore de quoi je vais vous parler. Ça va être n'importe quoi, sûrement. On aime ça. Hey! La semaine passée, c'était super pertinent. Mais est-ce que tu vas faire sérieux, n'importe quoi, sérieux, n'importe quoi? Je sais vraiment pas encore de quoi je vais parler. Je sais pas. On verra. Good. Il viendra. Good. Hey, tantôt, on va revenir avec Anne-Julie, puis on va faire sa chanson thème avec nos instruments. Hein. C'est décidé, ça, je pense? Oui. Moi? Ou que Jasmine arrête, par exemple, pour nous faire. Tant que c'est avant 8h30, ça va. Faut que j'invente des paroles aussi. Pour l'instant, on écoute Marie-Pierre Arthur pour Jasmine. Ouais, nouveau disque. Elle est vraiment malade mentale, là. Courez l'acheter. Wow. Non, pour vrai, je suis allée l'acheter hier, puis on dirait que j'ai pas le goût de rien faire d'autre que de l'écouter, là. C'est vraiment excellent. De sa demi, sauf que c'est ça qu'on s'en va faire juste là. Ouais. C'est un assemblage requis jusqu'à 9h. C'était donc Marie-Pierre Arthur avec Emmène-moi. Oui, Emmène-moi sur son nouvel album Aux Alentours. Qui est excellent, je le rappelle. Qui est sorti quand, mardi? Hier. OK. Hey, plein de sorties d'albums hier, ben deux, là. C'était quoi l'autre? Ben, Of Montreal, moi, que j'attendais. Tu vas nous faire jouer ça... Demain. Demain. Merveilleux. Demain, pendant les... Ça va être ma comptine de demain. Ta comptine, Jasmine. Oui. Yeah. On prend une petite pause, on revient avec Anne-Julie Durocher, c'est chronique sur la GEQTR, plein d'activités à mentionner, j'imagine. Hein, qu'est-ce qu'on peut, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre tantôt? C'est une grosse journée, là. Ben aujourd'hui, oui, c'est une grosse journée. On a l'Assemblée générale spéciale. Puis levée de cours, d'ailleurs. Levée de cours, on va en parler. Pas de raison de ne pas y aller. Oui. Puis, il y a plein d'activités tout le mois de février, toutes les semaines. Fait que je vais vous parler de qu'est-ce qui s'en vient pour le reste du mois. C'est merveilleux. Et on aura aussi plus tard quelqu'un pour parler de prévention suicide. Oui, vers 8h30, donc pour la semaine de la prévention du suicide. Mais pour l'instant, c'est l'Info Campus. Restez là. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 8 février 2012. Notre chanson thème fait danser bien des gens, dont François-Louis Marchand. Elle danse des épaules, là. Elle me fait rire, en fait. Elle est comme... Vous avez une petite danse. Ouais. Tu danses comme tu ris. Non? Des épaules. C'est ça, des épaules, c'est correct. Angela, tu donnes les expressions faciales et les émotions confuses. On sait ouais, jamais. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. C'est quoi le cri d'une Angela Durocher, mettons? Elle est... Tu sais, quelque chose qui s'apprête à chialer avec une voix d'enfant. Et quand... Qui s'apprête à chialer, c'est fin, ça. C'est sympathique, pas mal, je trouve. Mais... Elle m'aime quand même. Ouais. Donc, Jasmine Raymond-Réville qui est toujours là avec François-Louis Marchand. Et puis, on accueille Angélie Durocher pour sa chronique qui, là, va avoir pour une dernière fois, j'espère, sa chanson thème normale pour que vous vous rappeliez comme... de quoi elle a l'air. Ouais, comme difficile. Difficile parce que il se passe pas grand-chose au début. Il y a comme un genre de 15 secondes, mettons. OK. Faut s'en rappeler parce que de même, ça va être... J'aurais été épaules. Tu vois, là, il y a une petite variante qui vient d'embarquer, tu sais. Oui. Donc, chronique AGEQTR, on fera ta chanson thème à la fin de la chronique, comme on le fait toujours, et on va commencer ça sérieusement, là. Ben oui. Ben oui, par quoi? Par question pour un champion. Oh, question for a champion. Je suis sûr que vous regardez votre agenda ce matin et que vous vous demandez, mais que vais-je faire demain soir? Eh bien, j'ai la réponse à vos questions. Question pour un champion. Hey! Hein? J'ai votre réponse, champion. Donc, c'est à la Chasse-Galerie, à compter de 19h. C'est comme un génie en herbe, là. En plein ça, on a plein de belles questions. Puis, on a 12 associations d'inscrites jusqu'à présent. Donc, il reste encore 4 places. OK, il en manque 4. Ben, il en manque pas 4. Je suis capable de faire le jeu à 12, mais j'ai conçu le jeu pour qu'il y ait 16. Fait qu'il reste 4 places, donc les plus rapides qui m'enverront un courriel... vont pouvoir avoir les places qui restent, mais... VP socio commercial... Point excuse-moi, commercial UQTR.ca. OK, essaye ça de faire... de répéter ça, mais de façon plus claire. VP socio... Point AGE. À commercial UQTR.ca. Parfait, merci Jasmine d'avoir été... François-Olivier. Meilleur que lui. Mais bref, si vous inscrivez les 4 places qui restent, c'est important de préciser que même s'il y a déjà quelqu'un dans votre association qui est inscrit, vous pouvez vous inscrire. Ah ouais? Ben oui. Juste plus de chances d'accumuler des points. C'est ça l'affaire. Et... Non. Bon. Vous avez déjà nommé votre représentant officiel, mais tu sais, reste à place. Mais pouvez... pour le plaisir, on peut participer. C'est en plein ça. Oh, ils peuvent venir participer. C'est intéressant, ça. Ben oui. Mais s'ils gagnent, ça vaut, les points vont quand même à l'assaut? Non. Mais non. Ça va nulle part. Arrange-toi pour ça que va ton... Part. Ouais. Vous êtes cheap de même. Ben oui. On est comme ça, nous autres. Ah ben. Ben après, ça, on va prendre les autres places... On va y aller en ordre, tu sais, la première place qui arrive, mettons, quatrième qui est inscrit. En tout cas, on va faire un petit calcul mathématique, là, puis on va tout arranger. Ça devrait, OK. Ça devrait. Et ça, c'est demain ici à la Chasse-Galerie? Oui. À quelle heure? Ça commence 19h. OK, ça commence à 19h. 19h, ça va être vraiment le fun. Oui, je pense que oui, ça peut être cool. C'est ça. Puis c'est important de préciser que c'est en collaboration avec le CIIU. OK. Q. Ouais, non, j'ai jamais appelé ça de même. Bon. Mais c'est le comité d'intégration inter-université de moi. Ça, CIU. Le CIU. J'ai quand même un petit plan de mémoire un matin. Puis, pendant que vous allez être à la Chasse-Galerie, demain soir, vous en profiterez pour goûter au drink de votre association étudiante. Ouais, c'est quoi ça? Ben, c'est un concours. OK. Chaque association avait la semaine dernière à inventer un nouveau drink. Inventer de toutes pièces. Pas le droit de copier-coller une recette. Non, inventer, ça dit ce que ça veut dire. Là. Ça peut sûrement en donner. En fait, c'était d'amener quelque chose, je pense, qui n'était pas à la Chasse-Galerie. Ben, c'est ça. Mais. Ouais, OK. Si t'as déjà bu quelque chose ailleurs. Puis faut pas que le serveur puisse dire ça, c'est un rum and gin tonic. Ouais, c'est ça. Faut pas que ce soit un drink qui existe, là, en fait. Là. Ben, tu sais, il peut exister, mais dans ton coin de pays. Admettons que tu aies de la tuque. Peut-être qu'il existe à la tuque, mais qu'il n'existe pas à Trois-Bières. À la tuque, c'est de la bière et du café. Tu peux faire un mélange. Donc, c'est ça. Fait que profitez-en. Vous avez jusqu'au 23 février pour goûter votre drink d'association ou encourager une association que vous... Ah, c'est cool ça, par exemple. Ouais. Ouais. C'est une bonne idée. Ouais. Ben, c'est ça. Puis chaque verre est comptabilisé. Okay. Puis c'est celui qui sera le plus vendu. Et est-ce qu'ils sont tous au même prix? Bonne question. Non, mais en fait, ils sont au prix de que ce qu'il y a dedans. Oui, c'est ça. Okay. Si tu as, mettons, 3 onces de je sais pas trop quoi là, dedans, puis ben, il va être plus cher que s'il y en avait juste une. Ben, c'est une très bonne tactique. C'est ça l'affaire, t'sais, parce que le drink que tu voudrais faire aurait peut-être le plus d'alcool possible dedans, mais ça va être lui qui va coûter le plus cher, donc ça va être lui qui va être le moins vendu. Faut que tu penses à plein de facteurs comme ça. Mais... je pense que l'idée, c'est d'en mettre le moins possible là, pour pouvoir en boire le plus mais possible. Mais c'est des étudiants en même temps. Ouais, ben c'est ça. Ben, il y en a qui ont fait des shooters, il y en a qui ont fait des pichets. Donc, ah, c'est cool ça. C'est un peu libre. Et, Et c'est quoi on se dirige à la chasse-galerie, on demande c'est quoi, le menu. Exemple, il y a le menu. Parce que, exemple, que moi, j'ai aucune idée des drinks qui. Ben, toi, t'es comme en administration. Ouais. Ben, là, tu commandes le drink d'admin, veux-tu la recette? Vas-y donc. Je sais pas s'ils veulent que j'aille dire. Ben, oui. C'est secret, ces affaires-là. Hein? Ben, comment ça s'appelle? Ça s'admine. Ça s'appelle le. Ouais, c'est ça. Okay. Drink d'admin. Drink d'admin. Original. Ben, je te dirai pas la recette. Ok. Tu iras y goûter. Ouais. C'est ton défi de la semaine. Ok. Je vais goûter à ça. Fait que c'est ça. C'est pas bon. Ben, tu goûteras un autre. Je vais aller me plaindre à mon associé. Tu goûteras celui du BS. Moi. Ça, c'est quoi? C'est du jus de raisin? Ouais. Un berlingot de lait. Je vais enseigner au secondaire pour Bépep. Bépep ne m'en a pas. Voilà. Très drôle. On ne boit pas d'alcool au Bépep. Ben non. Donc, maintenant... Petit doute. Vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire mercredi prochain? Mercredi j'ai encore prochain. La réponse à vos questions. On s'en mais attends, non, on parle pas d'aujourd'hui, là. C'est ça, mercredi prochain. Mercredi tu l'as mentionné. Quand on dit mercredi prochain, c'est mercredi qui est le prochain mercredi. Ouais. Mais bon. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, comme le lendemain de la Saint-Valentin. Oh, ouais. Je tiens à dire que. Petite anecdote, parce que ça m'a bien traumatisé. Hier, il y avait 3 gars dans mon cours et ils ne savaient pas quelle date était la Saint-Valentin, mais de façon très sérieuse. Ont-ils des blondes? C'est la question qu'on se pose. Ouais. Je ne leur souhaite pas à leurs blondes parce que, en tout cas. C'est leur affaire, mais j'ai trouvé ça drôle. Fait que pour ceux qui savent pas, la Saint-Valentin, c'est mardi, c'est 14. C'est 14, ouais, c'est ça. À chaque année, c'est 14. C'est pas compliqué. À date, la plupart, ouais. C'est comme Noël, mais 10 jours en moins. Et quelques mois en plus. Ouais. Et pas la même année. Ben, tu peux y aller en moins, là, ça dépend dans quel sens. Comme... Ça dépend du sens que tu tournes dans la vie. T'es-tu en Australie ou pas? Hein? C'est dans les yeux. On flush cette partie de la chronique. Donc, mercredi... Donc, mercredi, le 15 février. Oui. Qu'est-ce qui se déroule le lendemain de la Saint-Valentin? Ou la Saint-Valentin, si tu veux. Oui, la Saint-Valentin. 5-6 Valentin. Aidez-moi à garder mon sérieux, s'il vous plaît. Excuse-moi, oui. Parce que là, je parle de choses sérieuses. Ben oui, j'imagine. Bon, en tout cas, c'est un mercredi 10-12. Voulez-vous que je le dise à sa place? Vas-y. C'est un mercredi 10-12 avec le thème l'amour, c'est tellement 1980. Oui, il n'y a pas d'autres informations sur ma feuille. C'est ça. Ben, je vais continuer. Donc, c'est au 10-12, 22h. Faut s'habiller quand même rétro, je pense. Ben oui. Ben, en 80. Oui, oui. Tout est correct. Tuyo, collant, spandex, prénette. Comme LMFAO. Ah oui, mes prix. Oh, shit. Puis, il va y avoir de la musique des années 80, pas seulement ça, mais... Est-ce que les gens vont connaître la musique? Certains. Hey, parce qu'on sait qu'à l'université, ça a commencé les années 90 à rentrer. Mon frère est en 92 et il est rentré à l'université en septembre. Ça va vite. Ouais, mais en tout cas, le monde de la maîtrise au doc sorti, ça sera vos années qui sont célébrées. Ouais, c'est ça, ouais, gros partout. Ben, c'est ça. Fait que, ben, ça risque d'être le fun, le monde connaît quand même ça, les années 80, là, je veux dire, ils sont pas. Ouais. Si, c'est pas le premier parti non plus, 1980. Il y a bien des films aussi qui se passent des années 80, tu vois. C'est ça. Fait que, allez picher dans les garde-robes de vos parents, puis habillez-vous années 80, puis venez faire le party mercredi prochain, le 15 février. Est-ce que c'est au prix des années 80? Non. Non? Il n'y a pas grand profit, là. Ça c'est un peu plat. Non, ouais, je sais. On n'y a pas pensé avant. Il aurait fallu que tu amènes l'idée avant, puis on aurait peut-être pu. C'est un génie. Ben oui. Mais là, prochaine activité. Prochaine activité, oui. Vous vous demandez c'est quoi? Quoi? La soirée dansante. Oh, petit peu. Vous souvenez-vous qu'est-ce que j'ai dit à François-Olivier lors de ma première chronique? Je me rappelle pas du tout. C'est loin, ça fait quoi? Un mois? Je sais que François-Olivier s'en suit. Le défi que t'avais lancé? Oui. Oh. Je veux pas essayer de me défiler, là, mais j'ai une tendinite. T'en as pas besoin de ta tendinite pour danser. C'est une belle tendative. Donc, 22 février, donc c'est un mercredi. À la chaise galerie, Ça va commencer à 19h. Concours de danse. Le 22 février. 22 février. T'as rien. Ça te va. Le 2-2 du 2. Le 2-2 du 2. 2012. Il y a un là-dedans qui pourra pas. Non, mais on s'en fout. Ouais, c'est pas grave. OK. Donc, c'est ça. concours de danse. Fait que préparer des chorégraphies, ça rentre aussi dans la Coupe des associations. Donc, vous pouvez faire une chorégraphie tout seul ou à plusieurs, tant que ça fit. J'imagine qu'il y en a qui vont arriver là, béton. Ils vont péter la baraque. Ouais. So you think you can dance, là? Ouais. J'espère avoir des talents comme ça, là, juste de la danse en ligne. Ouais. Mais il faut que ça rentre sur le stage de la chasse-galerie quand même. Fait que ça peut pas être trop. OK, ouais, tu peux pas être 20, là. Non, c'est ça. Ben, tu peux être 20, mais tu vas faire de la danse en ligne. C'est ça. Ben, en tout cas, à moins que tu sois vraiment bon, là. Moi, tout ce que je vois à 20 sur le stage de la chasse-galerie, c'est de la danse en ligne, mais peut-être que du monde vraiment expérimenté sont capables de faire quelque chose de mieux. Ouais, peut-être. Hakey Breaky Dance, Ben, c'est drôle, là, mais. Ouais, c'est comme pas de temps impressionnant. Non, mais ils ont le droit. Non. J'y jugerai pas. Non, j'aimerais ça voir un MC Hammer avec des pantalons hommes. It's summertime! Ça serait comme concept avec la semaine d'avant, années 80. Ben oui. Tout le temps un peu de retard, tu sais. Mais oui. Hein? Mais en tout cas, bravo. Ben comme dans ton cas, un petit peu de retard. Merci, Anne-Julie. Fait que rendez-vous à la chasse-galerie le 22 février pour voir François-Olivier danser. Bien sûr. À compter de 19h. On va filmer ça. Je peux pas. Pour ceux qui pourront pas être là. Sur Facebook. On va mettre ça sur Facebook. Je suis prêt à le faire si François Landry embarque. On y en parlera. On va y en parler. Vous êtes tellement inséparables, vous. C'est beau. Ils m'ont oublié cette fois. Je suis contente. Non, mais là, toi aussi, là, tu fais partie. C'est toi qui. Non, moi, j'anime. Je peux pas. Faut que je sois totalement là. Puis, tu sais, je suis sérieuse dans la vie. Dans la vie. T'es OK. Je suis sérieuse. Allez, on pourrait. Ben oui, je suis sérieuse. Non, en fait, tu dis ça, voyons. Justement, parlant de choses sérieuses, aujourd'hui, Assemblée générale spéciale. Ça, c'est vrai que c'est sérieux. Ça, c'est vrai. Deux fois. Plutôt qu'une, dans la même case horaire. Il y en a comme deux fois. C'est ça. Fait que c'est aujourd'hui. Explique-nous ça, là. À 13h30, la première. OK. Levée de cours, d'ailleurs. Levée de cours à compter de 13h30. Faites-la respecter par vos professeurs, pour vrai, parce que, c'est une levée de cours. Ils sont obligés de vous la donner. Oui. Puis, n'en profitez pas pour aller étudier, là. C'est pas ce que j'allais dire. Oui, il y a des gens dans mes cours qui m'ont. J'ai reçu des messages textes hier. Oh, on pourrait, tu sais, on a le temps pour faire notre travail et une levée de cours. Non, c'est pas ça, là. Ça en vaut 10-12. C'est ça, une levée de cours n'a pas été donnée pour avoir plus de temps pour travailler, faire des travaux aller prendre une bière à chasse-galerie, quoique bien agréable, mais vous la prendrez après. Ouais. Et la levée de cours se déroule de quoi? De 13h30 à? 16h30. OK. Donc, soyez là, pour vrai, parce que, je veux dire, c'est des choses qui vous concernent, c'est des décisions qui sont prises dans votre intérêt. Fait que c'est le fun si vous venez exprimer votre opinion, parce que sinon, il y a des décisions qui sont prises sans vous. Après ça, vous n'avez pas le droit de chialer, à mon avis. C'est vrai. Exprimez-vous. Oui. Non, exactement. Puis, t'as raison. Respectez votre droit de vote. Et ça va être quoi, les points à l'ordre du jour? Ça va être lors de la première assemblée générale de 13h30, c'est un avis de motion sur des changements sur les statuts et règlements généraux. OK. Puis, la deuxième assemblée générale qui a lieu à 14h, donc on va adopter les modifications aux statuts et règlements généraux. Okay. C'est là que vous allez pouvoir proposer des changements et tout. Puis après ça, on va parler du mouvement étudiant, puis on va finir sur un point varia. Mouvement étudiant, ce qui veut dire quoi? C'est quand même plutôt libre. OK. Ça va être... Sûrement des hausses de frais de scolarité. C'est sûr, mais tu sais, on peut parler... je veux pas c'est vraiment libre. Okay, puis le monde viendra parler de qu'est-ce qu'ils voudront en lien avec le mouvement étudiant, bien sûr. OK. Puis ensuite, on va avoir un point varia sur les frais institutionnels obligatoires. Donc, en parlant à la dernière Assemblée générale, il y avait une position qui avait été prise. Puis, dans le fond, on va vous donner un petit peu un suivi de ce qui se passe avec ça, puis où s'en est rendu le dossier. Puis c'est pas mal, ça. Mais soyez là aujourd'hui, pour vrai. Ouais, c'est important. Oui. Soyez là. Puis c'est un bon... Tu sais, je veux dire, si tu vas au moins dans ton école, ben après ça, tu vas être plus porté à voter aux autres élections. Puis les jeunes, non, c'est ça. On va être plus au sérieux. Fait que... Allez-y! Et voilà, 13h30, 10-12. Génial. Les rebauchements. T'en plais ça. C'est merci. Tout. Formidable. Bon. Fait que là, on a fait le sérieux, c'est vrai? Ouais. Il y a plus rien. Je finis avec le sérieux, moi. Plus sérieux. Mais il a juste à faire ta chanson au thème. Ouais, ça, c'est un peu moins sérieux. Un peu moins. Elle prend la flûte dans ses mains. Ouais, OK. Anne-Julie a pris la flûte que j'avais tantôt. Essuyée après. Ben oui. Ouais, okay. Parce que j'ai aucun talent. Mais c'est bon, la pince buccale va se propager sinon. Là. Ça a plus de sens, hein? Anne-Julie, donc la flûte. Jasmine est au xylophone que François avait. Anne-Julie avait, c'est ça? T'as du talent là-dedans? T'es musicienne, pas des vraies notes pour vrai, là. Ah non, pour vrai? C'est vraiment pas des vraies notes. C'est supposé être quoi, ça? C'est des sons. Mais... C'est ça, c'est pas si pire, là. Mais ici, là, tu sais, le ton, il est pas là, là. OK. Non. François? Ça fonctionne pas. Tambourine? Et les 25, je te donne le rameau. C'est parfait. Moi, je vais y aller avec mes talents d'improvisateur. Hey, on veut un rap. Un rap? Ouais. Un rap? Ouais. Wow, OK. Fait qu'on se rappelle comment ça a commencé tantôt, c'est du poum, poum, poum. Ben, c'est ça, le beat est propice à ça. Là. Ben, c'est ça, on n'a pas le choix, puis on peut pas le faire jouer en même temps, parce que ça va être tout confus sinon, fait qu'on l'arrête ici. OK. Okay. Fait que qui fait le beat, mettons? La tambourine? Non, mais c'est pas le beat de fond? Ouais, c'est le beat de fond. Fait que c'est ça, OK, parfait. Okay. Un, deux. Parce qu'une tambourine, faire du rap, pas génial. C'est une version rap éclatée, c'est fou, ouais. Alternatif. Rap, bépette, assemblage requis. Oh oui. Moi, je finis avec pro. OK, parfait. Allons-y. On est prêts? 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai EQTR, c'est la place qui font des affaires dans tes affaires, parce qu'ils s'occupent de tes affaires. Puis si tu veux, tu peux te mêler de tes affaires, faut que t'ailles à la GEQTR. Pro. Non, mais je pensais que tu partais le beat, moi. Je peux pas, parce que si je fais jouer le beat, je pourrais pas enlever les paroles puis mettre ça sur le beat après. Tu comprends? OK, tu vas... Fait que c'est ça. Fait que j'espère que c'était bon. On en fait-tu plusieurs prises? On peut en faire une, mais on en a inventé d'autres. OK. 1, 2, 3, 4. AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR, parce que l'AGEQTR, ça n'a pas d'âge, yo! Pro! Je trouve que c'est parfait. Pas pire, hein? J'ai hâte d'entendre ça. Ouais? Moi, j'ai pas très hâte de. Non, c'est ça, tout en fait. On reviendra peut-être à l'ancien thème si. Ou on en fera d'autres. On reviendra à l'ancien thème. On peut changer tout le temps, hein, c'est ça? Ben oui. Il y a tellement des jeux de mots moi, à faire. Moi, j'ai vraiment plus confiance en la deuxième aussi. Qu'en la première. Bon. Tu vois, si on avait fait de la tienne deux fois, ça aurait été meilleur que ce que c'est là. T'sais. Non, la mienne est déjà parfaite. C'est vrai qu'elle est bonne. Oui, d'accord. Ta langue dans ta bouche. Oui. Non. C'était bon. Voilà. Ben oui, c'est agréable. C'est un beau moment. Beau moment. Ou sinon, malaise. Mal à l'aise. Ouais. Malaise. Oh, j'ai pas dansé des épaules. Non, c'est ça. On trouve mais ça un rap, tu danses moins les épaules sur un rap. Attends de voir la semaine prochaine, mec, je vais entendre juste de danser les épaules quand même. OK, cool. Je pense que c'est un tic nerveux. Ah, ça se c'est comme le syndrome de Tourette. Là. Ouais, mais et corps! Et burn! Non, mouvement des épaules. Ouais. Let's Campus Inos. Ouais. By your hand. Ouais. Bye, your hand. Bye. À la semaine prochaine. À demain. Qui s'en va? Bye. Moi, je m'en vais. À demain. Je m'en vais aussi à la réunion, moi. Les deux. Maudit. Allez, et burn! Bye. Au revoir! Bye! At the top deck of the 178, spitting curses at my face, reflected in the windscreen pane, throwing insults and calling names. Filthy SMSs that you send through the day, by sundown become tame. So I set it in motion again. The fate's a cruel mistress girl, the prettiest in the world. She dresses loosely in a bathrobe with her hair up. We were kissing for hours with hands in my trousers. She could not contain herself, suggest we go back to her house. Here it comes, this is the crux. She vomits down my rental tux. I'm not sure if it's love. dur de croire que tu tiens encore debout. À part la peur de sortir, à part les nuits sans dormir, la fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. Pas la peine de compter les heures. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. De tomber de haut te prend encore, et si l'envie d'avoir mal te monte à la tête, la vie te brûlera ton cœur. Même de compter les âmes, la fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux, même tu t'en veux. Le grand art avec Fille de Feu à Assemblage Requis sur C'est Fou 89.1 FM. Ça faisait un petit bout qu'on l'avait pas entendu. Ouais, tout à fait. Je m'ennuyais. C'est bon. Tu t'ennuyais. Oui. Mathieu Plante s'ennuyait. Ouais, ouais, mais je suis sentimental. Oh, grand coquin. Mais voilà. Hey Mathieu. Oui. On parle d'un sujet. Je sais pas si on pourrait dire. Si on pourrait appeler ça un sujet tabou. Ouais, un peu. Je pense de moins en moins, du moins, espérons-le. On va parler de suicide. On a présentement en studio Mme Fanny Lacerte qui est responsable sentinelle pour le Centre de prévention suicide Les Deux Rives. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Donc, cette semaine, d'ailleurs, c'est la semaine de la prévention du suicide, la 22e, je pense que vous me dites. Exact. Et puis, en fait, là, on va commencer plus vers la problématique même, le suicide. Je ne sais pas, est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être c'est quoi les groupes à risque, les personnes qui sont plus touchées, des statistiques, je ne sais pas, juste pour nous éclairer un peu pour... Au niveau du suicide? Bien, en fait, les groupes à risque, je te dirais que c'est tous les hommes qui font un travail qui sont très masculins, donc qui ont leur rôle socialement là, d'avoir vraiment un rôle masculin très, très axé sur justement un homme, c'est fort, un homme, c'est orgueilleux, un homme doit supporter sa famille et tout ça. Ça, c'est sûr que les hommes en général aussi sont à risque parce qu'on a constaté qu'environ 80% des suicides sont commis par les hommes. Ah ouais, pour vrai? Oui, effectivement. Okay. Fait que, mais au niveau des tentatives de suicide et des idées suicidaires, c'est relativement pareil chez les hommes et les femmes. C'est juste que les hommes complètent plus leur suicide. Les femmes aussi vont faire des tentatives, mais les hommes vont compléter leur suicide parce qu'ils vont utiliser des moyens plus létaux, plus drastique que la femme. En groupe à risque aussi, c'est sûr, les personnes qui présentent des problèmes de santé mentale, les personnes qui présentent aussi des problèmes de consommation, donc toxicomanie, alcoolisme, gambling, le jeu compulsif. Ça aussi, on peut considérer que ce sont des personnes qui sont à risque. Quand on parle de santé mentale, on parle, bon, évidemment, on pense, je pense, à la dépression. Est-ce qu'on parle peut-être de schizophrénie, non? Schizophrénie, parce que le danger chez la personne schizophrène, c'est qu'elle entend des voix souvent où elle va halluciner des choses visuellement. Et souvent, les voix vont leur dire de se suicider, de se tuer. C'est soit une voix qui vient de l'intérieur ou une voix qui vient de l'extérieur. Donc, la personne doit composer avec les hallucinations auditives qui lui disent de se tuer. Donc, c'est pas évident non plus là, à ce niveau-là. On a aussi les troubles personnalité limite, mieux connus, les borderline. Ça, c'est quoi? En fait, c'est une dynamique, c'est un état de personnalité, c'est un des troubles de personnalité et la personne a de la difficulté à émettre ses propres limites. La gestion des émotions est difficile. Ses limites dans quoi? Dans ses sphères de la vie? Exemple, je sais pas. T'aurais-tu un exemple peut-être? Un exemple d'une personnalité limite, je dirais que c'est quelqu'un qui va avoir l'impression qu'elle s'investit énormément, mais que tout autour, c'est pas le même investissement qu'elle va recevoir. Elle a vraiment de la difficulté au niveau de ses perceptions, entre autres. Comment je pourrais clarifier? C'est comme dur à expliquer. Oui, effectivement, c'est quand même une dynamique qui est assez complexe, la personnalité limite, là. Mais je te dirais comme il y a un film qui en parle d'ailleurs, là, le film Borderline qui a été fait, je pourrais pas te nommer le producteur, là, c'est un film québécois. Mais Isabelle Blais joue dedans. Exact. Ça montre quand même bien là, un peu la dynamique là, avec les comportements très sexuels, elle va essayer d'aller chercher l'affection ou de l'amour par la sexualité, elle va avoir de la difficulté à elle-même mettre ses limites auprès des autres, donc à accepter les limites des autres aussi. Là. Ok, ouais, c'est plus à ce niveau-là. Oui. Ok, formidable. Non, c'est pas formidable du tout. En fait. je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Là, c'est beau, écoute. Ouais. Quand tu parlais, en fait, là, c'est ça, des moyens pour arriver à la fin. Tu disais que les hommes, c'est ça, étaient plus de façon plus drastique. Je sais pas, y a-tu un moyen de d'empêcher ça ou tu sais mettons le suicide en tant que tel peut-être ou écoute je vais être clair hein. Comment est-ce qu'on fait pour détecter une personne qui a de fortes chances? Ils vont pas tout le dire mettons avant de le faire. C'est ça exactement et j'imagine que si t'as une maladie mentale et qu'elle est traitée, j'imagine que là c'est correct, non? Bien, pas nécessairement, non. Parce que certaines personnes, oui, vont avoir de la pharmacothérapie, ils vont prendre des médicaments pour gérer les symptômes. Mais il faut les prendre, si c'est prescrit. Oui, il faut les prendre selon la prescription. Même si on commence à aller mieux, c'est le médecin qui va décider quand c'est le temps et on n'arrête pas un médicament du jour au lendemain. On doit arrêter de façon progressive parce que c'est comme n'importe quoi. Quand on arrête, on risque de retomber tout de suite vers nos vieux comportements. Les symptômes risquent de revenir parce qu'ils n'ont pas été gérés complètement. Donc, comment on peut aider, comment on peut identifier quelqu'un qui pourrait vivre de la détresse? Ce qu'on ressort, c'est qu'effectivement, c'est pas nécessairement toujours qu'ils nous laissent des signes, mais dans la majorité des cas, les gens vont nous envoyer des perches, ils vont nous tendre la main, puis parfois, on n'est pas capable de l'identifier. Une des meilleures façons d'identifier, c'est entre autres en s'informant. Et sur les signes précurseurs, entre autres, on remarque, la personne va dire va lancer des messages verbaux ou non verbaux. Ou indirect, j'aurais plutôt dire. Que ce soit même en blague? Parfois, quand c'est en blague, souvent, on a le réflexe de dire « Ah, là, mon examen, là, on est en contexte universitaire, là, mon examen est tellement compliqué où je suis en rush de fin de session, là, je vais me tuer parce que je suis en train de capoter. » Bien, nous, on prend en considération que c'est sérieux. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup aussi une expression qui est populaire, je pense, envers les jeunes. C'est j'ai goût de mourir, tu sais, j'ai goût de mourir, j'ai mal en tête, j'ai goût de mourir. Mais exact. Mais nous, on va toujours dire que c'est important de prendre ça au sérieux. Parce que justement, quand quelqu'un va dire ça à la blague, puis que nous, on devient super sérieux, puis qu'on dit, quand tu me dis que tu veux mourir, est-ce que tu veux te suicider? Là, la personne va probablement réaliser, t'as peur, là, non, je faisais des blagues, mais regarde, moi, je prends ça au sérieux quand tu me parles de suicide, puis quand tu me dis que tu vas te tuer. Fait que c'est une des meilleures affaires à faire, je pense. Parce qu'en même temps, je pense qu'on pourrait casser aussi les mauvais comportements d'utiliser le suicide dans des expressions. Comme les ailes aux ailes piquantes Buffalo. Ailes suicides, pas nécessairement mauvais la meilleure goût. Idée. Exact, de mauvais goût. Non, j'avoue, vois-tu, j'avais jamais pensé à ça. Ouais. Et puis, c'est intéressant. Mais si, exemple, si si on pense qu'une personne est à risque, OK, et puis lance pas vraiment le signe, est-ce qu'on aborde ça? Il commence à vendre ses choses, peut-être, des trucs comme ça. Des fois, il y en a qui. C'est ça les indices qu'il laisse. Des fois, c'est plus subtil. Il commence à vendre toutes ses possessions, ou commence à donner son animal de compagnie, ou des trucs comme ça, je sais pas. Exact. Ouais. Ça fait partie des signes qu'on peut remarquer. Entre autres, ça fait partie de la catégorie des signes comportementaux. Mmh. Donc, la personne va commencer à se débarrasser de certaines affaires, okay. Elle va commencer à s'isoler, elle va commencer à être soit plus agressive ou au contraire plus passive quand c'est quelqu'un qui est passionné dans la vie, puis que soudainement. Elle s'en fout un peu, là, oui, elle commence à avoir un laisser-aller aussi sur son hygiène personnelle. Habituellement, c'est super propre chez elle. Soudainement, c'est le bordel. C'est des signes comme ça. La meilleure façon de s'en rendre compte, en fait, c'est un changement de comportement chez la personne. OK. Donc, quand elle va vers son opposé, souvent. OK. Mais ça se peut-tu que... est-ce que ça se peut? Si une personne n'a pas nécessairement de changement de comportement, mais t'as quand même des doutes, je sais pas... Ben, en cas de doute, je pense que la meilleure des choses, c'est d'aller vérifier auprès de la personne. Quand on ne se sent pas à l'aise d'aller vérifier, ben, on va chercher de l'aide pour être en mesure d'être assez outillé pour au moins aller vérifier si la personne pense au suicide. Puis si on n'est pas à l'aise à intervenir, on réfère vers les ressources. Là, c'est sûr, quand tu parles de ressources, exemple, je me sens pas à l'aise d'aller lui en parler parce que pour telle et telle raison, hein, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le Centre prévention suicide? Oui, exactement. Dans le fond, nous, la ligne téléphonique, le 1-866 appelle, c'est un numéro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, en tout temps, quelqu'un peut nous téléphoner sur la ligne d'intervention et on intervient auprès des personnes qui présentent des idées suicidaires, mais aussi auprès des proches. Donc, justement, quand on est inquiet pour un ami, un cousin, notre mère, quelqu'un de notre entourage, on ne sait pas quoi faire, on n'est pas trop sûr si elle y pense et on ne se sent pas à l'aise sans avoir d'outils ou sans savoir comment poser la question, on peut téléphoner sur la ligne d'intervention pour avoir des pistes. Et les autres, c'est ça, vont nous dire peut-être comment aborder la situation, ces trucs-là, tout dépendant de la situation en tant que telle. C'est ça. Mais est-ce que vous pouvez appeler la personne, vous? Oui, tout dépendamment de la situation. Premièrement, on va évaluer si la personne qui nous appelle en tant que proche, est-ce qu'elle est adéquate à intervenir? Parce que ce qu'on veut aussi se comprendre, c'est que ce soit le milieu et l'entourage de la personne qui intervienne, si elle est en mesure d'intervenir. Non, parce c'est que... ça, parce que j'imagine qu'un organisme externe comme vous autres, souvent, est peut-être mal vu. Le gars n'a pas tant le goût. Ben, le gars ou la fille, là. C'est ça. Souvent, on est des inconnus qui arrivent dans leur vie, puis bonjour, je t'appelle, je veux savoir comment ça va. Parfois, ça peut être précis. C'est ça. T'es qui pour me demander comment je vais, puis pour venir me parler de suicide ce matin, c'est là? C'est ça. Exact. Donc, on va essayer de voir si la personne qui nous appelle en tant que proche est adéquate. Si elle n'est pas adéquate, on va tenter de trouver d'autres personnes. Et en bout de ligne, si vraiment on se rend compte là, que c'est pas possible de créer un filet de sécurité avec le réseau de la personne, à ce moment-là, oui, on va offrir ce qu'on appelle des relances autorisées par un proche. Donc, le proche nous donne les coordonnées de la personne pour qui il est inquiet. On les prend en note. On lui dit on va tenter de l'appeler. L'intervenant en ligne essaie d'appeler la personne. Si elle est en mesure de la rejoindre, on fait une intervention. On évalue la situation de la personne. Est-ce qu'elle pense au suicide et tout ça? On fait notre intervention. Et par la suite, on rappelle le proche pour le tenir au courant, tout dépendamment de ce que le suicidaire veut qu'on lui partage aussi. Là, parce que le suicidaire a le droit de nous dire... A le droit à la confidentialité. Là. Exactement. Il doit avoir ce boulot là, ouais, d'intime. Ça lui appartient. Exact. Mais aussi, il peut nous dire, ben regarde, oui, tu peux dire que tu m'as parlé. Tu peux lui parler de la détresse que je vis. Je suis en accord que tu partages ces informations-là. Mais peu importe que la personne suicidaire veuille ou pas qu'on dévoile les informations, on va quand même rappeler le proche au minimum pour l'informer dire... qu'on a rejoint la personne. OK, on l'a rejoint. Écoute, on peut pas t'en parler parce qu'il veut garder ça pour exact. Lui. OK. Mais quand vous appelez la personne qui est en détresse, est-ce que vous lui dites, bon, c'est Mathieu Plante, exemple, qui m'a dit de vous appeler? Ou... Oui, on va demander aux proches de s'identifier parce que justement, sinon, la personne suicidaire peut peut-être se dire ben, comment ça se fait que la personne a mon numéro de téléphone. C'est mon voisin, il arrête pas de me regarder. Mais... non, mais c'est pas... C'est ben, faire un peu attention effectivement à ça. Là, puis en même temps, ben, c'est d'impliquer le proche. Quand je parlais tantôt, hein, on essaie d'impliquer le réseau social de la personne, mais en nommant la personne, le proche, par exemple, si Mathieu téléphonait pour quelqu'un d'autre... C'est bon qu'il y a quelqu'un qui se soucie de toi. Exact, exactement. Puis là, ben, la personne va retrouver peut-être un peu une partie là, qui fait comme « Ah, mais je pensais pas que cette personne-là se souciait de mon bien-être et je pensais pas qu'elle avait remarqué ma détresse. » Mm-hmm. Fait qu'on va impliquer le proche, oui. Et y a-tu... Ça, c'est peut-être niaiseux ce que je vais dire, hein, mais y a-tu des activités? Y a-tu... pas une recette miracle, mais pour aider les gens à essayer de reprendre le goût à la vie. croquer la vie. Tu sais, parce que... Ben oui, non, exactement. Mais tu sais, souvent... Ben, en tout cas, là, je parle peut-être expérience personnelle, mais souvent, c'est peut-être des gens qui ont peut-être pas le goût de consulter, qui sont refermés. Ils ont pris leur décision. Et que... plus la vie avance, plus ils s'enferment peut-être. Je sais pas où. Mais tu l'as nommé, il n'y a pas de recette miracle. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune recette magique pour s'en sortir. Il n'y a aucune recette magique pour aider quelqu'un. Par contre, tu sais, nous, on a des outils puis on a des façons d'intervenir aussi pour les aider à aller chercher de l'aide. Fait qu'on peut outiller un proche, oui. Puis quand on est en avant de quelqu'un qui ne veut pas aller consulter, bien, c'est sûr qu'on va aller vérifier les raisons pour lesquelles la personne ne veut pas consulter. Est-ce que c'est parce que ça ne s'est pas bien passé dans le passé quand elle a téléphoné dans une autre ressource? Nous, on est capable, en travaillant en collaboration avec les autres ressources, de faire le pont parfois et d'accélérer les choses. OK, d'accélérer le processus. Exact. Ah, ça, c'est bien, ça, par exemple. Parce que c'est parfois, les gens... Oui, c'est ça. Les gens n'ont pas le goût d'attendre. Exactement. Puis souvent, ben, les gens vont nous téléphoner et c'est tout de suite là, qu'ils veulent de l'aide. C'est maintenant là, tout de suite. Parce que, justement, ils ont fait une action et ils téléphonent. Donc. Exact. Donc, nous, on va essayer de valoriser beaucoup l'appel qu'ils font parce que c'est pas toujours facile d'appeler dans un organisme pour aller chercher de l'aide. Mmh. Et par la suite, ben, on va leur montrer là, que nous, on peut les accompagner dans cette demande d'aide-là. Entre autres, si on a quelqu'un qui consomme, qui veut cesser de consommer ou diminuer sa consommation, on peut faire le pont avec des organismes, là, soit avec la Suétude à Shawinigan, avec Don Rémy ici à Trois-Rivières, différents organismes communautaires privés ou publics. Là. Okay. On a des partenariats avec les organismes. Okay. Ça, c'est excellent. Oui. Et puis, est-ce que, je ne sais pas, inclure peut-être ces personnes-là dans des activités, aller chercher une certaine implication de leur part, est-ce que ça peut être bien? Est-ce que ça peut... Les personnes suicidaires, tu veux dire? Qui ont plus tendance à... Ben, qu'on pense, là. Ben, en fait, c'est comment, ben, des activités. Je comprends pas trop ce que tu veux dire par ben, des activités. Ben, non, mais je sais pas. Parce que, en tout cas, je prends mon exemple personnel. C'est que moi, ça me fait beaucoup de bien de faire l'exercice physique. Parce mm-hmm. que ça a peut-être l'air stupide, mais quand mettons, je joue avec une rondelle, je pense à rien. Ouais. Donc, non, mais ouais. Je sais pas. Mais est-ce que ça peut faire du bien aux autres? Ben, chacun est. Mais en même temps, je comprends que chacun est unique, non, mais. Ben, dans notre intervention auprès de la personne suicidaire, la première chose qu'on va faire, c'est que ça, on va évaluer sa situation, là, on va s'assurer de sa sécurité aussi aux besoins. Et par la suite, notre objectif en tant qu'intervenant de crise, c'est de faire reprendre contact à la personne avec les moments d'exception, donc des moments où c'est moins difficile, reprendre contact avec des choses plus positives dans sa vie et de faire ressortir les raisons de vivre, les passions, les manières qu'ils ont de prendre soin d'eux. Moi, je prends soin de moi en jouant dans mes plantes. Ben, si je ne vais pas bien une journée, je joue dans mes plantes. Ben, c'est à l'aide de l'intervenant et avec la personne suicidaire. Mais qu'est-ce qui t'aide à aller mieux quand ça va pas bien? Parce que nous, on fait pas du long terme. On fait de la crise suicidaire ici et maintenant. C'est ça, donc, exactement. Ce soir, j'ai pas de solution magique pour toi, mais qu'est-ce que tu peux faire pour sortir un peu de ta demain détresse? Demain matin ou... Demain, on verra. Demain, ça va être demain. Okay, là, okay. On est aujourd'hui. Là, on va gérer aujourd'hui. Okay. Ça, c'est notre travail. On fait vraiment du ici et maintenant. OK. Pour le long terme, là, c'est vraiment au niveau du C3S, c'est vraiment au niveau des autres organismes qui offrent du face-à-face. Entre autres, l'Acalmie, qui est un centre d'hébergement pour personnes en crise suicidaire. Eux vont faire vraiment un 21 jours d'hébergement où il va y avoir du suivi, des activités thérapeutiques et des rencontres ponctuelles aux besoins. OK. Fait que c'est un peu une façon qu'on peut aider quelqu'un, c'est de lui permettre de retrouver ses raisons de vivre, entre autres. Là. Qu'est-ce qui vaut la peine de continuer malgré la détresse et la souffrance? C'est ça, il faut que la personne prenne conscience de ce qu'elle aime faire. Oui. Et de se sentir à l'aise avec ça. Oui. Puis en même temps, des fois, on va se dire « Ah, ben tu sais, j'aimais ça m'entraîner, j'aimais ça faire ça, puis là, ben j'ai même plus la force de le faire. » Mais le bout qui appartient à la personne, c'est de retrouver un peu d'énergie pour se remettre en action. Ouais, c'est ça, repartir la machine, en exact. Fait. Puis on le sait que c'est pas facile de la repartir, et non, c'est non, pour non, la non, repartir non. que la personne non, a besoin d'aide non, plus souvent, ça. Et non ça. Pas pour la maintenir ou non, pour c'est continuer. Ça. C'est ça, exactement, parce que la personne n'a pas la force de repartir, justement. C'est ça. C'est très bien dit, ça. Merci. J'adore ça. Et puis, j'avais une autre question, on dirait que je l'ai perdue. Repartir la machine, je sais pas, Matt, t'as pas une question? Ben, en fait, j'étais sur le site de l'Association québécoise de prévention du suicide, mm-hmm. où on rappelle encore une fois le numéro de téléphone, 1-866-277-3553. Exact. Et le site AQPS.info. Oui. Voilà. Donc, Fanny Lacerte, qui, comme on disait tantôt, c'est responsable sentinelle pour la 22e semaine de la prévention du suicide. Merci beaucoup. Ben merci de m'avoir invité. Ben oui, c'est un plaisir d'être là. N'importe qui, pour vrai. Quand tu veux. Je trouve ça bien, moi, de parler de ces choses-là. Pour vrai, ça peut aider les gens. Des sujets importants. Si on aide juste la moitié d'un, ça aurait valu la peine. Ah, ben, la moitié, ça serait déjà pas pire. Non, c'est ça, non, mais c'est ça, exactement. On va y aller haut avec une personne complète. Ouais, ça serait bien, ça aussi. Et je pense que les gens, il faut qu'ils arrêtent de penser que si on consulte, c'est parce qu'on est malade. Non, c'est vrai. Souvent, arrêtez. C'est associé. Je suis pas fou. Je suis pas fou. J'en veux pas de pilule. Tu sais, ils sont pas là pour rien. Exact. C'est pour ça qu'on dit que c'est un combat social aussi. Hein? C'est une personne qui a des idées suicidaires, mais c'est la société qui doit se mettre en branle, qui doit l'aider, puis qui doit, je pense, défaire certaines croyances populaires qu'on a, entre autres, face à la pharmacothérapie, face au suivi thérapeutique. On se dit, on est fou quand on va voir un psychologue. Ben non, parce que les psychologues, c'est des professionnels qui aident à faire parler les gens et à faire ressortir ce qui doit être ressorti. C'est ça, ils sont pas là pour rien. Non. Arrêtez de juger. Mais en même temps, moi, je ne ferais vraiment pas les personnes là, qui consultent. Là. C'est, même que justement, c'est tant mieux. Mieux. Pour tant toi, mieux. Tant mieux, c'est ta santé mentale, ça appartient à personne. C'est exactement. Fais ce que, tout ce que tu peux. Prends soin de toi, take care. Oui, c'est ça, exactement. Prends des médicaments, s'il faut, c'est là pour ça. C'est ça. Puis souvent, les médicaments vont servir de béquille. Comme quand on se casse la jambe, on a besoin d'une béquille pour recommencer à marcher. C'est ça, exactement. Casse-toi une jambe, tu ne pourras pas marcher. C'est comme ça. Exact. Tandis que la souffrance psychologique, ben, ça te choque. Ça me choque. C'est correct, François. Tu te choques pour les bonnes affaires, c'est le fun d'avoir. Ah, non, je trouve ça plate parce que, en tout cas, on pourrait en parler pendant des heures. Ben oui, moi, je pourrais vous en parler pendant des heures. Ça, j'aurais pas de misère avec ça. Mais ce qui est le fun, dans le fond, c'est cette semaine, on a des activités qui ont été mises en place. Oui, on se promène dans les radios, radio étudiante à l'université. Des kiosques de temps en temps. Est-ce que vous donnez des pommes encore? Non, cette année, on a dit les pommes, on n'en fait plus. Je trouvais l'idée bonne. Ah. Oui, c'était une maudite bonne idée, mais c'est nous autres qui lavaient les pommes. C'est nous autres qui mettaient les stickers. Okay. Fait que cette année, on a décidé de prendre une pause. Okay. Si jamais vous voulez des pommes, on a le lien pour vous autres si vous voulez téléphoner. Il y a des magasins qui appellent des épiceries aussi qui ont ça, des pommes. Oui, mais tu sais, nous autres, on a un contact pour avoir une grosse batch de pommes en même temps. Parce qu'on en faisait venir des caisses et des caisses. Hein. Mais c'est ça. Cette année, on a décidé que les pommes et les kiosques dans les milieux scolaires, on les faisait pas. Mais on est quand même présent dans les radios étudiantes. Là, cet après-midi, tu vois, je m'en vais dans une radio étudiante au secondaire. OK. Ah, c'est cool. Là, ce matin, j'étais avec vous autres à l'université. Sensibiliser les jeunes. Ouais, exact. Puis là, on va aller en parler. Justement, je vais faire comme ce que j'ai fait ce matin avec vous autres. Dis aux jeunes de consulter aussi. Tu sais, d'inclure ça dans leur mentalité. Dis-leur, François-Olivier Marchand, c'est fou, là. Connais-tu? Il y a de ça, lui, là. Ah non, c'est important. Sérieusement, c'est important. Faites-les pour vous autres. C'est pour vous autres. Exact. Parce que le suicide, ben c'est... Le danger aussi, c'est quand nous, on commet un suicide, ce qu'on dit à notre entourage, c'est qu'on a le droit de se suicider. C'est un message social qu'on lance quand on pose une action comme ça aussi. C'est de donner le droit. C'est un héritage qu'on laisse en tant que, tiens, moi, je l'ai fait. Donc, socialement, c'est acceptable. On a le droit de le faire. Et on travaille auprès des endeuillés, nous, au CPS. Ouais. Auprès des endeuillés par suicide. C'est pas évident. C'est difficile pour les gens de l'entourage. Et une fois que l'action est posée, les gens tout autour font comme, ouais, mais si cette personne-là avait su à quel point elle compte pour nous, mais quelqu'un qui est en détresse le voit plus. Le voit pas. Non, exact. Le voit pas. Fait que c'est ce qui est difficile. Et il faut arrêter aussi de penser que chez le voisin, c'est tout le temps plus vert. Là. Ouais, c'est souvent pas si vert que ça. Non, c'est ça. C'est la pensée magique. Tout le monde a des problèmes. Et exactement. On a toute notre réalité. Même le clown qui a de l'air super funny. Puis qui... C'est les pires, eux autres, je pense. C'est souvent ceux qui cachent le plus leur détresse. Ah, ça peut. Effectivement. Ouais, ça fait peur. Ah, formidable. Non, je suis content d'en avoir parlé, sérieusement. Puis écoute, si vous avez des choses, même si c'est pas la semaine de la prévention du suicide, envoyez un courriel, puis on fera de quoi. C'est bon. En tout temps, en fait, là, soit en passant par vous autres, si les gens sont plus à l'aise. Sinon, ils nous appellent, puis nous autres, on peut donner du matériel. Ah, appelez-moi pas, j'ai assez de problèmes. Mais sans nécessairement parler de leurs problèmes, pour t'appeler pour en parler, mais tu t'appelais pour avoir les liens. Exact. Écoute, on les mettra sur l'assemblage.com, évidemment. Sur la page Facebook de l'assemblage. Oui, aussi. Tout partout. Je vous en ai des affiches. Là. Ouais, vous avez trois affiches. Vous allez pouvoir les mettre un peu partout. Je vous en ai des cartes pour la vie. C'est notre matériel promotionnel de cette semaine, pour la semaine aussi. On va en distribuer, toute l'année. Mais c'est une carte, en fait, qui parle de nos services, qui parle de quelques signes qu'on peut détecter chez une personne en détresse. Oui, j'ai vu un peu et c'est bien fait. Là. Petit format, on peut le mettre dans notre portefeuille. Exact. Puis ça se donne facilement, une carte. Hein, ça ressemble à une carte d'affaires. Ouais. Tiens, prends ça. Je suis inquiet pour toi. Appelle donc là. Puis souvent, la personne, elle va le glisser dans sa poche, ça va cogiter un peu quelques temps dans sa tête. Il va finir peut-être par téléphoner. Ouais. Là. Gênez-vous pas. Tu sais, des fois, c'est gênant. Les gens sont gênés d'en parler, même si c'est ton ami, même si, si c'est ton frère. Tu sais, tu as toujours un certain malaise, mais oser, tabarouette. Sinon, vous allez le regretter peut-être. Exact. Puis dans la carte, ben c'est ça, on retrouve aussi quoi faire, quoi pas faire auprès d'une personne. Quoi pas faire, mais c'est bien ça aussi. Oui, parce que justement, souvent avec nos croyances populaires, avec ce qu'on pense par rapport au suicide, puis tous les mythes qui entourent ça, ben des fois, on va avoir tendance sans faire exprès à pas croire la personne ou à la mettre au défi, tu sais. Il faut faire attention aussi, on met pas quelqu'un au défi, là. On est en train de mettre au défi de lui-même mettre fin à ses jours, là. C'est des choses qu'on fait pas. On joue pas au chicken avec ça. Non, on joue pas à celui qui est plus capable de faire... Quelque chose. Ça, on fait pas ça non plus. Cette semaine aussi, dans le cadre de la semaine, on a eu une vigile lundi au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Oui, j'ai entendu parler. Oui, Radio-Can est venu aussi. Ils ont filmé, ils ont pris quelques scènes. C'est bien c'était ça. C'était pour c'est... les endeuillés. Ça devait être pas facile non plus. C'était émouvant. Oui, quand même. On était à peu près une trentaine. Ça a été vraiment super. Là. Les gens apprécient beaucoup la vigile parce que justement, c'est très normalisant d'être entouré d'autres personnes qui vivent le même deuil que nous. Oui, c'est ça, exactement. C'est souvent ça le but, hein, des rencontres, des cafés-rencontres ou des centres, pas des centres, mais des groupes d'entraide. C'est de se normaliser et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul parce que des fois, on a l'impression d'être tout seul au monde à vivre ce qu'on vit. Oui, tout à fait. Et même pas obligé de parler, juste les voir pour dire cette personne-là, la même situation que moi, écoute, et là, elle passe au travers. Et c'est ça. Non, c'est bien, ça fait du bien pour les endeuillés qui commencent leur processus de deuil, aussi. Qui voient quelqu'un que ça fait 3-4 ans, qui a recommencé à mieux aller, même si c'est encore difficile par moment. Ça donne de l'espoir pour les endeuillés aussi, des vigiles comme ça. Et ça, c'était lundi? Oui, c'était lundi au Sanctuaire. Okay. Et cette semaine, on a aussi vendredi une activité qui on fait la présentation du film Monsieur Lazare. Okay. C'est un film de Philippe Falardeau qui est aux Oscars pour... Ouais, c'est ça, exactement. Qui est nominé aux Oscars pour film de langue étrangère. Si je ne me trompe pas, on va le présenter à 19h30 au Ciné-Campus, qui est le cinéma du séminaire Saint-Joseph ici à Trois-Rivières. Et on va avoir José Masson. José Masson, en fait, c'est une dame qui a développé une expertise au niveau deuil jeunesse, donc le deuil chez les jeunes. Okay. Pas nécessairement particulièrement en lien avec le suicide, mais elle touche toutes les dynamiques de deuil. Là. Donc, suicide, accident, maladie, peu importe, elle, c'est vraiment deuil sa spécialisation. Non, on ne considère pas ça comme un deuil. Okay, okay. Un deuil, en tout cas, selon certains écrits, un deuil, c'est vraiment quelqu'un qui décède. Okay. Donc, quand on perd un membre de notre corps ou quand on vit une perte amoureuse, une rupture, ça a l'air qu'on ne peut pas dire deuil. Okay, okay. Mais on s'entend qu'on rentre dans un processus de deuil quand même. Là bien, on sait notre premier amour, c'est tout le temps... C'est tout le pire. T'as l'impression de jamais pouvoir t'en sortir, mais... Exact. C'est pas vrai. Plus jamais tu vas être en amour, puis plus jamais tu vas rencontrer quelqu'un comme ça, puis c'est souvent vrai, ça. Mais c'est pas vrai, mais quand on est dedans, on n'est pas capable de s'en sortir, puis on le voit pas, non, ça. C'est pas facile. Exact. À chaque âge, on a nos étapes qui sont comme plus difficile. Oui, à chaque âge, il y a une période où il y a des événements qui sont charnières dans notre vie, qui peuvent être quelque chose qui va nous propulser vers l'avant si ça se passe bien. Mais si ça se passe moins bien, parfois, effectivement, ça peut nous faire vivre de la détresse. On peut reculer de 2-3 pas, mais après ça, repartir d'une force exceptionnelle. Hey, merci beaucoup, Fanny Lasserte. Vraiment très sympathique. J'étais contente d'être venue vous voir ce matin. Ben, écoute, tu reviens quand tu veux. C'est bon. Merci. Nous, on écoute une pièce de Peter. Voici Rien ne nous rassemble, mais on revient avec la conclusion de l'émission. Il m'arrive le temps de mort. Peter avec la pièce Rien ne nous rassemble à Assemblage requis. Hein? Vous comprenez le lien qu'on a fait ici. Donc, nous, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin. Excuse-moi, c'est quoi ça? Notre émission. Pourquoi? Pour vous, non, avec... pas ça pendant tout. Excuse-moi. Ah, ben oui. Pourquoi je vais faire ça? Voilà. Donc, demain l'émission. Pourquoi? Entre 7h et 9h, on aura Simon Fitzbé à 8h et sa chronique Phénomène. À 8h30, sur François André, Logocratie 101. Passez une excellente journée sur nos ondes. SPM de gars s'en vient à 10h, puis le dîner de con à 11h. On se quitte avec Rich au coin et la pièce Hit. À demain. Bye bye.